Sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part.

Essentiel 96.2. La FM en couleur. Ça fait longtemps que c'est la routine avec ton célibat. Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis 100 nuits. La passion est partie, reste la bague au doigt. Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Insatisfait à vie, est-ce une maladie? Un virus aguerri qui ne se guérit pas. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la C'est un type aigri qui ne sait pas faire de choix. Insatisfait à vie, c'est une maladie. Un virus aguerri qui ne se guérit pas. Et il veut plus, c'est toujours plus. Une seule chose suffit pas. S'il peut toucher la lune, il la jettera quand il l'aura. Puis Laura est partie, elle et les petits. Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là. Alors il fume, il fume. Des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. D'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante. Joli fantôme qui nous hante. Cet enfant qui ne nous quitte pas. Toute ma vie vient de la sienne. et dans chacun de nos pas. Thank you.

Guimel sur Arc-en-Ciel Orléans. لو مهما عني انت تغيب عقلبي راح تبقى قريب مهما بعدتنا الايام وتشردنا بهالاحلام بعرف حبي الك اكيد كل يوم بحسه يوم جديد يلي عشناه بهالحياة خزنا

aderir oficialmente à NATO já a partir de amanhã. Previsão para amanhã de chuva, em especial nas regiões centro e sul, com acentuado arrefecimento noturno.